Salut à toutes et tous, salut aux auditeurs qui nous écoutent sur CKUT ou sur le web. Salut Christian. Pour ma chronique aujourd'hui et pour être en phase avec l'actualité, j'ai décidé de vous partager le point de vue d'un jeune intellectuel autochtone de la nation Menominee qui se nomme Enamekiu Wakekanapiukezikne. J'espère ne pas avoir trop écorché son nom. Et qui tient un blog que je vous conseille très fortement de lire, qui s'intitule Onkwe Onwe Rising sur WordPress. Et parmi les nombreuses choses sur lesquelles il a écrit, il a notamment publié un texte en février dernier, juste après l'élection de Trump, qui s'intitule Fascisme et antifascisme, une perspective décoloniale. Alors, le texte a été écrit en anglais, j'en ai fait une traduction française. Et je vais vous en lire donc des extraits. J'ai pas la possibilité de vous lire l'entièreté du texte parce que c'est assez long. Donc je vais volontairement couper toute la première partie du texte qui parle du contexte et des définitions classiques du fascisme. Je vous encourage fortement à aller consulter le texte original et de mon côté, je mettrai en ligne la traduction sur la page de Unsettling Babtou que vous pourrez retrouver à partir de la page Facebook de Ni Québec ni Canada. Donc voilà pour les précisions. Donc je me permets de mentionner que tout ce qui suit n'est pas de moi, que ce sont les opinions de l'auteur et non les miennes, et que lorsque je vais utiliser la première personne du singulier, c'est évidemment l'auteur qui parle et non moi. Voilà. Donc je commence. Dans sa propre analyse du fascisme, l'économiste politique Zach Cope ouvre une porte sur ce que j'estime être le cœur du fascisme. Il écrit: géographiquement parlant, sur son propre territoire, le fascisme est une répression impérialiste dirigée vers l'intérieur. C'est un aspect du fascisme qui, à mon sens, manque cruellement dans les autres définitions. En définitive, si on suit cette logique, on peut dire que le fascisme apparaît lorsque la violence que les nations colonialistes et impérialistes ont infligée au monde entier au cours du développement moderne d'un système capitaliste mondial et parasitaire retourne faire une petite visite à la maison. Cette connexion directe entre la violence coloniale et le fascisme a été merveilleusement bien décrite par Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme. Je cite: on s'étonne, on s'indigne, on dit comme c'est curieux, mais bah c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries. Que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil là-dessus, on l'a légitimé parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable, et qu'il sourd, qu'il perce, qu'il goûte, avant de l'engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Fin de la citation. Ce qui m'amène à ma question, que veut dire le fascisme pour une personne autochtone, pour le coloniser? En d'autres termes, que signifie le fascisme pour ceux et celles d'entre nous qui sommes prisonniers dans le ventre d'une bête coloniale violente? En se fondant sur cette reconnaissance du fascisme comme de la violence coloniale dirigée vers l'intérieur, nous sommes immédiatement confrontés au fait que le terreau qui rend possible le développement d'un fascisme en Amérique du Nord est un terreau, au sens propre de territoire, comme au sens figuré d'espace psychologique, politique, social, culturel, idéologique et économique, que c'est un terreau donc déjà imbibé de sang. C'est un terreau imbibé du sang des peuples rouges et des peuples noirs. Dans le cas des colonies de peuplement d'Amérique du Nord, la violence fait partie intégrante de l'état d'exception expansionniste de la frontière, du déplacement, de l'assimilation et du génocide des peuples autochtones pour rendre le territoire disponible à l'occupation, et la continuité carcérale qui a marqué l'existence des Noirs sur ces territoires depuis l'esclavage jusqu'aux hyper-ghettos modernes. Par conséquent, avant de discuter du fascisme ou même du capitalisme et de la possibilité de leur émergence sur ces territoires, il est important de reconnaître que le fascisme en Amérique du Nord ne peut surgir que dans un contexte qui est déjà toujours défini par deux axes fondamentaux de violence, le génocide des autochtones et la négrophobie. Ces deux axes, qui sont incommensurables l'un à l'autre, se chevauchent aussi et sont en intersection avec le parasitisme général des pays impérialistes vis-à-vis du tiers-monde et des peuples colonisés de par le monde. De manière générale, nous pouvons dire que la vie psychique comme matérielle de la société blanche d'Amérique du Nord est unifiée par une solidarité et une violence anti-autochtone et anti-noire. Tout d'abord, l'Amérique du Nord est un domaine colonial de peuplement. Ce qui signifie que l'une des caractéristiques principales qui distingue le colonialisme de peuplement nord-américain des formes de colonialisme métropolitain ou de comptoir qui sont plus traditionnelles est la dynamique fondamentale de l'élimination des peuples autochtones. En effet, pour que le Canada ou les États-Unis aient pu exister, les peuples autochtones doivent disparaître pour que des colons allochtones puisse revendiquer la possession légale du continent. Cette logique d'élimination se complète d'ailleurs par un projet extensif d'auto-indigénéisation des colons. Ce dernier processus est peut-être très présent au Québec et dans les Appalaches, mais il existe également sur l'ensemble du continent. De plus, bien que la plupart de ces processus aient été d'ordre juridique et qu'ils soient appliqués quotidiennement au moyen des codes juridiques de la société coloniale blanche, ces processus sont et ont toujours aussi été littéralement imbibés de sang autochtone. Bien que cette violence soit structurelle et ontologique, elle est aussi mise en œuvre au quotidien par la population coloniale elle-même. Dans la perspective autochtone, il y a une impossibilité à séparer le colon individuel de l'État colonial, le premier étant l'agent principal d'expansion du second. En parallèle de l'effacement des peuples autochtones du continent, de nombreux auteurs ont montré qu'au sein des discours raciaux en Amérique du Nord, la négritude est associée à un statut héritable et inhérent de mise en esclavage et est marquée par une exclusion permanente du tissu social. Bien que les manifestations particulières de ce processus aient évolué au fil des époques, la logique sous-jacente est restée la même. Dans ce système, le corps noir devient lui-même un pôle d'accumulation, n'est rien de plus qu'une propriété qui peut être soumise à la violence. L'héritage bien vivant de la négrophobie constitue un lien direct de l'esclavagisme au lynchage, aux exécutions extrajudiciaires d'hommes noirs, à l'hyper-incarcération moderne et à la criminalisation de la négritude. Tout ceci est mis en place et rendu possible par une violence continue et gratuite envers les noirs. Que veut donc dire le fascisme pour nous, les colonisés, les peuples rouges et noirs de ce territoire auquel il a été volé et pour lesquels ils ont été kidnappés en vue de le rendre fructueux? Pour paraphraser le Parti Socialiste des Peuples Africains et le Uhuru Solidarity Movement, et pour raffiner un peu notre question, que signifie la montée potentielle du fascisme en Amérique du Nord pour les peuples rouges et noirs qui ont souffert et continuent de souffrir l'enfer du génocide, de l'esclavage, de la dépossession territoriale, des marches forcées, de Jim Crow, des lynchages populaires, des meurtres publics perpétrés par la police, de l'enfermement dans des réserves, des ghettos et des barrios, de l'emprisonnement de masse qui se chiffre en millions d'individus, des pensionnats, de la quarantaine économique et de l'occupation militaire de nos communautés? Que veut dire la violence fasciste pour nous les peuples qui faisons déjà face à des processus structurels qui cherchent à nous pousser vers l'alcoolisme, la toxicomanie, le suicide, la maladie mentale et la pauvreté extrême, et qui, en collusion avec les aspects les plus explicites de l'oppression coloniale que nous vivons, cherchent à détruire les corps rouges et noirs? Pour reprendre ce que le Parti Socialiste des Peuples Africains dit, une position qui craint Trump peine à reconnaître que lorsque les Afro-Américains ont été les victimes de lynchage de masse publique, cette terreur a été mise en œuvre par des États démocratiques non fascistes et par des citoyens blancs ordinaires. Ceci étant dit, nous ne devons pas ignorer le potentiel de violence excessive qui habite le mouvement fasciste nord-américain, même vis-à-vis des standards de la violence coloniale. On peut le voir dans la tuerie de la mosquée de Québec. Bien que le tueur, Alexandre Bissonnette, ait semble-t-il agi de son propre chef, nous ne devons pas oublier que la cellule locale des soldats d'Odin a exprimé son désir de mettre en place des patrouilles dans les quartiers musulmans. De manière générale, nous pouvons dire que ces forces d'extrême droite désirent toutes ardemment une nouvelle frontière, une recolonisation, des territoires et une patrie blanche. En d'autres termes, ces forces d'extrême droite cherchent à remettre en œuvre le rêve colonial, un projet dont elles pensent qu'il a échoué. Et c'est sans doute ici qu'on peut essayer de distinguer ce qui sépare un mouvement réellement fasciste et le nationalisme populiste de droite de Trump, par exemple. Bien que le slogan principal de Trump ait été « Make America Great Again », il n'était pas fondé sur l'idée que le projet américain avait échoué en lui-même, alors que le mouvement fasciste nord-américain, lui, projette un attachement à un rêve américain de ce que l'Amérique aurait pu être. Dans ce sens, les deux rhétoriques sont différentes. La pensée fasciste dépasse le projet colonial habituel d'auto-autochtonisation des colons, et adhère complètement à la figure du colon lui-même, ce qui inclut toutes les horreurs qui l'accompagnent. C'est en fait la proclamation d'une réaffirmation, le pouvoir blanc explicite et sans édulcoration. C'est un pouvoir blanc non seulement décomplexé, mais fier de l'être. Au final, la question se retourne sur elle-même, étant donné que la violence fondatrice contre les autochtones et les noirs du projet colonial nord-américain est toujours présente. Le libéralisme de base de la vie politique et de la société civile nord-américaine a toujours articulé une guerre à la vie et à la mort avec deux objectifs fondamentaux, l'élimination des peuples autochtones et la soumission et l'exclusion des peuples noirs. Dans cette perspective, le libéralisme et le fascisme nord-américain font partie du même continuum éthico-politique qui est fondé dans la violence coloniale et la négrophobie. Et nous revoilà donc de retour sur la question de la violence coloniale dans la politique fasciste, parce que du point de vue de la vie colonisée, que la logique politique gouvernant l'État colonial soit libérale ou fasciste, l'aspect fondamental de violence guerrière reste la même. La menace principale que représente le fascisme pour les peuples colonisés n'est donc pas celle qui nous ferait passer d'un État dans lequel nous ne sommes pas soumis à la violence de toutes parts vers un État contraire, mais plutôt qu'il accélérerait le rythme des logiques de dépossession et d'accumulation coloniale. Donc, cela signifie qu'au final, la question posée aux peuples autochtones et noirs par nos alliés gauchistes blancs qui sonnent actuellement l'alarme antifasciste se résume à un choix impossible entre un colonialisme non fasciste, soi-disant démocratique, et un colonialisme fasciste. C'est non seulement un choix impossible, mais c'est surtout un faux choix. Qu'est-ce que le fascisme en comparaison d'une violence coloniale crue et sans fin ? Au mieux, le choix est entre un colonialisme lent ou démocratique et rapide, fasciste, le dernier accentuant et accélérant la logique anti-autochtone et anti-noire qui sous-tend de toute façon le projet nord-américain. Nous ne pouvons pas choisir entre le colonialisme démocratique et le colonialisme fasciste parce que le problème reste au final le même, ça reste du colonialisme. Ceci étant dit, la question reste de savoir comment se battre contre le fascisme. En ce qui me concerne, la réponse est la même que ma réponse concernant ce qui doit être fait pour lutter contre le capitalisme, et en ce sens, ma réponse est simple. L'antifascisme, sans la décolonisation, sans une décolonisation sincère, n'a aucun sens. Si vous voulez vous battre contre le fascisme, vous devez également décoloniser. Pour reprendre encore une fois ce que mentionne le Parti Socialiste des Peuples Africains, notre libération, ce que nous devons atteindre, ne peut venir que d'une lutte générale pour renverser la relation coloniale que nous avons avec le pouvoir blanc. Ceci est une vérité de base qui doit, selon moi, être comprise par tous ceux et celles qui revendiquent la qualification révolutionnaire. Nous devons avoir le pouvoir de choisir notre propre destin et nous devons être indépendants de tout besoin vis-à-vis de la classe dominante blanche, de l'État colonial capitaliste et de ses institutions au sein de la société civile. Peut-être que la façon la plus facile et la plus simple de résumer ce point est de dire que nous devons avoir un black et un red power. Qui plus est, en avançant vers ce but, nous devons résister à quelque chose qui est devenu habituel pour la gauche blanche vis-à-vis des peuples colonisés et qui est la tentative d'imposer ou d'établir les règles et le calendrier pour notre libération. Un des effets majeurs d'une telle pratique impérialiste et opportuniste de la part de la gauche blanche est de désorienter nos peuples, de nous détourner de la lutte contre les forces et structures coloniales et d'imposer comme programme commun les besoins du colonisateur aux dépens des besoins des colonisés. En définitive, à quoi ressemble la décolonisation ? Que signifie le Red et Black Power ? Le but final, évidemment, comme le rappelle le Parti Socialiste des Peuples Africains encore, est le renversement révolutionnaire du capitalisme colonial américain, ce qui inclut la démocratie capitaliste coloniale ou le fascisme ou n'importe quelle forme que l'État colonial est prêt à prendre pour imposer son pouvoir illégitime sur les peuples opprimés. Plus particulièrement, le projet de décolonisation a été subdivisé en trois aspects par les auteurs Eve Tuck et Wayne Young, auxquels j'ajoute quelques éléments. Premièrement, le rapatriement des territoires aux nations autochtones souveraines, ce qui signifie l'entièreté des territoires et pas juste de manière symbolique, ce qui signifie aussi aucune compensation pour les populations coloniales qui les ont volées et dont l'occupation continue à faire en sorte que ces territoires restent volés. Deuxièmement, l'abolition des formes contemporaines d'esclavage, ce qui inclut le continuum carcéral anti-noir et la mise en œuvre de réparations pour les peuples africains qui ont été kidnappés et dont le travail a été exploité. Ce qui signifie permettre aux communautés noires de se contrôler elles-mêmes sans occupation policière ou militaire. Et troisièmement, le démantèlement de la métropole impérialiste et la fin du parasitisme des nations impérialistes envers les peuples colonisés du tiers-monde. Pour le dire un peu différemment et pour faire écho à ce que disait le grand dirigeant révolutionnaire anticolonial de Guinée-Bissau et du Cap-Vert, Amilcar Cabral, bien que nous ne puissions être sûrs que la défaite du fascisme ou du capitalisme puisse à elle seule être suffisante pour mettre en œuvre la décolonisation de l'île de la Grande Tortue, nous pouvons néanmoins être sûrs que la défaite du colonialisme sur ces territoires sera aussi la défaite finale de ne serait-ce que la possibilité du fascisme, plus encore que le fascisme lui-même. Enfin, et ceci s'applique aux Blancs aussi, dont je sais que beaucoup sont également inquiets concernant la possible montée du fascisme aux États-Unis et au Canada. Je vous dis, amis blancs, collègues, camarades et alliés, que la meilleure façon pour vous de participer à la défaite du fascisme est de vous lever avec nous, en solidarité avec nous, et d'unir vos objectifs avec nos objectifs de décolonisation. Aidez-nous à lutter contre la relation parasitaire dont tous les blancs ont profité à nos dépens depuis 600 ans. Travailler en solidarité pour détruire le colonialisme américain, canadien et européen d'un bout à l'autre du monde, en Afrique, dans les Caraïbes, en Afghanistan, en Palestine, en Syrie, en Asie, dans la soi-disant Amérique du Sud, dans la soi-disant Amérique du Nord, et le fascisme, comme toutes les autres incarnations ignobles du capitalisme, tombera avec. Un monde meilleur nous attend tous et toutes. Voilà. Donc je rappelle que ce que je viens de lire n'est pas de moi, c'est un extrait du texte « Fascisme et antifascisme, une perspective décoloniale » de Enemekiu Wakikanapu Kezikne, jeune intellectuel de la nation Menomini, et disponible en anglais sur son blog ongweonwerising.wordpress. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle chronique. Nyawa !